Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Les aficionados le savent, certaines œuvres du musée du Louvre se prêtent particulièrement aux mises en abîme. C'est le cas des peintures d'Hubert Robert, le grand peintre des ruines, contemporain de la Révolution française, qui fut conservateur du Muséum central des arts, la première mouture du musée. Sa vue imaginaire de la Grande Galerie du Louvre en ruine, un tableau de 1796, a trouvé une espèce de correspondance contemporaine dans l'œil des photographes, spécialement ceux qui travaillent précisément sur les paysages de ruines. C'est l'histoire de cette correspondance artistique que vous allez entendre dans cette émission intitulée « Le Louvre revisité ». Plusieurs photographes, de Christian Milovanov à Sophie Ristel-Weber, dans une déambulation étonnante à travers les peintures de ruines du Louvre, de Panini à Hubert Robert. Surpris par la nuit. Sur les quais, Franz profita d'un feu rouge pour acheter à Odile le bouquin auquel il avait dit qu'elle ressemblait. La Seine, elle, ressemblait à un corot. Odile demanda quel était le grand bâtiment blanc là derrière. C'était le Louvre. Elle dit que c'était une bonne idée que de l'avoir repeint en blanc. On devrait décorer le type qui avait fait ça. Magazine mensuel. Le Louvre revisité par Lorraine Rossignol. Arthur déclara qu'il fallait attendre la nuit pour faire le coup et respecter ainsi la tradition des mauvais policiers de série B. Que faire alors pour tuer le temps qui s'éternise, demanda Odile. Franz avait lu dans François qu'un Américain avait mis 9 minutes 45 secondes pour visiter le musée du Louvre. Ils décidèrent de faire mieux. Une émission en collaboration avec le musée du Louvre sur une idée de Marie-Laure Bernadac. En 9 minutes 43 secondes, Arthur, Odile et Franz avaient battu le record établi par Jimmy Johnson de San Francisco. L'image du critique d'art Pierre Schneider qui, en 1971, emmenait Chagall, Giacometti, Pierre Soulages, Barnett Newman ou Zhao Wuki dans les salles du musée du Louvre, entamons ce soir notre promenade mensuelle en compagnie de photographes contemporains. Les exemples sont en effet nombreux d'artistes qui ont pris le lieu musée, son fonctionnement et son public comme objet de leur travail. Les photographes allemands Thomas Struth ou Candida Höfer en témoigne notamment. La dernière fois, les directeurs et conservateurs du musée avaient assuré au Louvre revisité que les artistes vivants continuaient à venir dans l'immense palais pour y nourrir leurs créations. La preuve avec le photographe Christian Milovanov, dont l'objectif avait déjà, dans les années 80, appréhendé les tableaux du Louvre d'une certaine façon. Cela avait abouti, en 1986, à la publication de l'album « Le Louvre revisité », son premier ouvrage dont il a gentiment accepté de nous prêter le titre pour notre émission. D'emblée, Christian Milovanov nous emmène dans les salles de peinture française au deuxième étage de la cour carrée et s'arrête devant la maison carrée de Nîmes, une toile d'Hubert Robert, dont la peinture de ruines au XVIIIe siècle constituait le sujet de prédilection. Un gigantesque montage puisqu'il est impossible de voir en même temps la maison carrée, les arènes et la tour Magne. C'est comme un collage rassemblé dans un tableau où la peinture rassemble le montage. Il est passionnant celui-là. C'est celui-ci sur lequel vous aviez travaillé déjà pour le Louvre visité ou c'était un autre tableau d'Hubert Robert? Non, c'était celui-là, mais... Ce tableau est au centre de mon travail ou de mes préoccupations. Et quand je dis centre, c'est aussi chronologique, puisque c'est après avoir commencé le travail en photographie sur le Louvre que 4 ans plus tard, je suis tombé sur ce tableau. Et c'est là où j'ai commencé un petit peu ou essayé de comprendre ce que j'étais en train de faire ou ce que j'avais fait pendant 4 ans, puisqu'il s'agissait de tableaux de ruines. Et surtout, jusqu'à présent, j'avais toujours cadré en prenant un pan du mur, un morceau du cadre et un fragment du tableau. Et je composais en photographie. Et la photographie, justement, réunissait ces trois moments, ces trois événements, le mur, le cadre et le tableau. Et à partir de au bout de 4 ans de travail, c'est régulier, obsessionnel, si vous voulez, là j'ai modifié mon cadre, c'est-à-dire que je n'ai pris que le cadre et ce fragment-là, qui représente une stèle détruite, etc. Et donc l'image est tout à fait différente parce que au départ, je photographiais donc un mur, un bord du cadre, et le tableau. Et là, tout d'un coup, le bord du cadre est devenu le rebord. Il n'y a plus de hors-champ, il y a eu que simplement un rebord, comme un rebord d'une fenêtre, dans lequel je pouvais, ou le regard pouvait se plonger et voir ce qu'il y avait derrière cette fenêtre-là. Ça me fait sur une histoire. Hein. L'histoire, justement, des ruines, l'histoire de la représentation des ruines, et ma propre histoire, c'est-à-dire l'histoire que je menais depuis 4 ans. Qu'est-ce que je faisais quand je photographiais le tableau, fragments de tableau. Alors justement, d'où vient-elle d'après vous cette fascination? Pourquoi est-ce qu'elle vous travaille? Bon, vous êtes nîmois d'origine, d'accord? Oui, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Non. Donc, d'après vous? Ben, je sais pas. De toute façon, quand on fait un travail en art, on ne sait pas trop d'où ça vient. Ça vient certainement de très loin. Alors, on pourrait dire que quand j'étais enfant, on m'obligeait, mais c'était un plaisir, d'aller voir des musées, en Espagne notamment. Donc, j'avais 8 ans et la seule chose qu'on m'a demandé de faire, c'était de regarder les tableaux. Donc, comme j'étais un enfant très obéissant, je regardais. Et je regardais à hauteur d'enfant, c'est-à-dire quand on mesure 1m20, 1m30 et on regarde le bas, le mur et le bord du tableau, on ne peut jamais lever tellement les yeux. Surtout qu'il s'agissait, à l'époque, si je me souviens bien, il s'agissait de Gréco, donc des grands tableaux verticaux. Moi, je ne voyais jamais ce qui était en l'air. Et quelques années plus tard, 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, 20 ans, j'ai repris cette expérience. Alors, ça venait de là. Il se trouve que je revenais d'Italie, j'avais fait une image aux offices, à la suite d'un voyage en Italie où j'avais fait une image qui m'intéressait. Je me suis dit que la seule chose qu'il y avait à faire, c'était d'aller au Louvre, parce que je ne pouvais pas aller régulièrement en Italie. Et donc j'ai pris le Louvre vraiment comme en Italie on dit les offices, le bureau. J'allais au bureau, c'est-à-dire que j'y allais quasiment tous les jours, sauf les jours de fermeture. J'avais pas l'autorisation à l'époque, et j'ai commencé à faire de ce musée-là mon atelier. D'ailleurs, je l'investis comme un atelier de recherche où je me promenais dans les galeries, dans la grande galerie, dans les allées. Et de temps en temps, je m'arrêtais devant les tableaux, je les regardais, je faisais des photographies. Je savais pas trop ce que ça allait donner, pas du tout. Mais parce que quand on photographie, on sait pas du tout ce qu'on fait. On le sait plus tard, on comprend beaucoup plus tard. Et ce qui était... ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que j'hésitais, j'étais un peu comme des sables mouvants, mais j'étais totalement contenu par le musée lui-même. Je pouvais pas sortir, parce qu'il y avait ces grands murs, et sur ces murs, des tableaux accrochés. Donc j'étais vraiment contenu là-dedans, et puis je me confrontais à tous ces tableaux. C'était des tableaux où je brouillais un peu la représentation. Alors, je vous parle d'il y a, 80, donc c'est 23 ans, 25 ans. La lumière de ce musée n'était pas celle-ci. Elle était beaucoup plus dure. Elle empêchait de voir très souvent les tableaux à cause de la lumière qui venait des fenêtres, qui faisait des ombres, etc. Et donc, la lumière extérieure brouillait le tableau. Et ça m'intéressait. Bon, quand on fait de la photographie, c'est une évidence ce que je dis là, on travaille toujours avec la lumière, et tout d'un coup, cette lumière venait parasiter la lecture du tableau, la reconnaissance du tableau. Et donc, j'ai pris ça comme... ça a été le début. Je me suis dit, je vais regarder les tableaux à travers la lumière qui parasite et qui brouille. Et puis, petit à petit, je me suis aperçu qu'on pouvait brouiller encore plus la représentation, justement en faisant intervenir des fragments de cadre, des murs, et recomposer le tableau. C'est-à-dire que je recomposais les tableaux, je regardais les tableaux un peu comme les peintres de l'art moderne, Mondrian ou Barnett Newman notamment, faisaient leurs tableaux. C'est-à-dire qu'au Mondrian que j'admirais, que j'admire toujours, j'introduisais une figure, tout simplement. Un détail de tableau, un personnage, un enfant, une pierre. Voilà. Mais les lignes, elles, étaient... La composition, elle, était donnée et venait de Mondrian, bien évidemment. Je reconstituais le tableau à la lumière de l'art moderne. Avec les cadres, les murs. Les cadres me donnaient une verticalité, les murs me donnaient des aplats, pas de profondeur. Vous me demandiez pourquoi j'ai pas travaillé sur la sculpture, parce que la sculpture, j'arrive pas à la cerner. Il faut tourner autour, j'ai pas de point de vue, alors que là, j'avais un point de vue frontal, toujours. Ce point de vue d'enfant, comme ça, qui regarde le tableau. Et je n'avais que des aplats. Et donc, je faisais une espèce de montage, comme ça, au niveau de la prise de vue. Mur, cadre et morceaux de tableau. Et c'est 4 ans plus tard, quand j'ai découvert Hubert Robert, qu'on appelle le peintre des ruines, que là, je me suis aperçu que ce qu'il faisait, lui, au niveau de la représentation, c'est-à-dire représenter des ruines ou des monuments ruinés, les arènes, la Maison Carrée, mais aussi la Grande Galerie du Louvre, puisqu'il a imaginé la Grande Galerie du Louvre. N'oublions pas, c'est anecdotique, mais c'est aussi intéressant. Hubert Robert a été le premier, presque le premier conservateur de ce musée. Et c'est un garde, le garde des peintures. Je me suis aperçu que lui, ce qu'il faisait au niveau de la représentation, moi, je le faisais presque au niveau formel, c'est-à-dire que je ruinais le tableau. Et en fait, la formule n'est pas de moi. La formule est de Diderot. Diderot, écrivant sur Robert des Ruines, dit il faut ruiner le tableau. C'est-à-dire qu'il mettait en avant l'idée qu'il fallait représenter les ruines, soit pour les garder en mémoire, je ne sais pas, pour les maintenir dans leur état ruiné, mais en même temps, elles sont sauvées, puisqu'elles sont représentées, ruinées, mais sauver parce que représenter. Moi, j'ai pris ce mot-là, ruiner, en me disant, mais moi, je fais pareil, je ruine. Je ruine la représentation puisqu'on n'a pas de vision globale du tableau, on ne voit jamais le tableau en entier. On voit jamais le mur en entier ni le cadre en entier. Je ruine et je fais des compositions à partir de ces éléments, de ces fragments prélevés sur le tableau, le mur, le cadre, etc., etc., ou la représentation. Et est-ce que vous croyez que c'est le propre de la photo que de ruiner la peinture ? Je ne sais pas si c'est le propre de la photo que de ruiner la peinture. La photographie a eu pour usage justement de reproduire le tableau, mais reproduire le tableau dans entièrement, une reproduction. Moi, on ne sait rien du tableau. C'est-à-dire que parfois, il est même difficile de retrouver de quel tableau il s'agit. C'est d'ailleurs pour vous le plus beau compliment qu'on puisse vous faire. C'était de vous dire, attendez, là, je m'y retrouve plus, je ne sais plus de qui il s'agit, de quel peintre que vous avez approché. Il y a deux personnes que je ne nommerai pas, mais qui m'ont dit ça, en me disant, c'est pas vrai, ce tableau n'est pas au Louvre. Donc il a fallu que j'aille montrer le tableau, le fragment. Parce que tout simplement, on ne regarde jamais le tableau. Ou quand on regarde le tableau, on a une vision d'ensemble, mais en fait, si on est très attentif, on ne regarde que des morceaux, que des fragments. Là aussi, c'est une leçon de l'art moderne. C'était Paul Klee qui disait, à propos des tableaux abstraits, il disait « l'œil broute le tableau ». L'œil broute, comme ça, il prend des morceaux, puis il reconstitue. Alors quand c'est un monochrome bleu de Klee, je veux bien le croire, ça broute. Mais brouter un tableau, un paysage, brouter des ruines, je trouvais ça assez intéressant. Et donc ne retenir que ces fragments-là. Donc ça a donné lieu en 86 à la publication du livre Le Louvre visité, qui était votre première publication. Qui était la première publication. Et depuis, pourtant, c'est resté comme un leitmotiv dans votre œuvre. Le rapport entre le jeu avec la peinture. Oui, parce que même si je l'ai quitté à un certain moment pour aller ailleurs, au fond il y a toujours le tableau. Au fond il y a toujours la ruine. Au fond, parce que après le Louvre il y a eu on pourra en reparler, mais il y a eu les ruines justement, la peinture de ruines. Elle est vraiment dans des endroits. Comme à Rome, par exemple, le Forum romain, où il y avait des lieux, des champs de ruines, et photographier ces champs de ruines. Ensuite, il y a eu le supermarché, qui est aussi un lieu pour moi tout aussi équivalent au Louvre. C'est très iconoclaste ce que vous nous dites là. Non, parce que là aussi, il s'agissait pour moi d'investir un lieu. Durant une certaine période, il y allait régulièrement, comme je suis allé au Louvre régulièrement. Et puis, très rapidement, je me suis aperçu qu'il y avait des allées comme dans un musée. Il y a des étalages comme dans un musée. Il y a des caméras de surveillance et des gardiens comme dans un musée. Il y a un art de l'étalage très réglé, très soigné, équivalent certainement à l'art de l'accrochage et des conservateurs. C'est exactement la même chose. Et je l'ai fait exactement comme la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout un travail critique sur le supermarché, loin de là. C'est simplement prendre des éléments et en constituer des tableaux. Des natures mortes. Des natures mortes. Des natures mortes au sens premier du terme, c'est-à-dire au sens du XVIe siècle. Nature morte, c'est un mot que j'aime pas trop, c'est un mot du XIXe qui signifie. On disait nature morte parce que c'était des représentations de tableaux de chasse, donc avec des animaux, des lièvres ou des perdrix tués. Donc on appelait ça de tableaux. Les Flamands, les Hollandais disent Lebensstil, je crois, c'est-à-dire nature vivante. Donc au XVIe siècle, on disait quelque chose d'intéressant, on disait la nature quoi, c'est-à-dire la nature reposée, la nature qui ne fonctionne plus, mais qui est en état de repos, se reposer. Et j'ai pensé, moi, le supermarché, exactement comme une nature reposée, et pas du tout comme... un peu comme ces ruines reposent. Mais entre-temps, je me suis dit que c'était pas encore fini l'histoire avec le Louvre, que j'avais vraiment envie de recommencer. Dans le cadre de la convention que le Louvre vient de signer avec l'École des Beaux-Arts de Paris, le photographe Patrick Feigenbaum, professeur aux Beaux-Arts, a entamé cet automne avec ses élèves un travail sur les esclaves de Michel-Ange. Deux puissantes sculptures qui comptent parmi les œuvres phares du musée, situées dans la galerie Michel-Ange de l'Aile de Nons. Mais pour Patrick Feigenbaum, la rencontre avec ces œuvres de Michel-Ange a commencé il y a 20 ans, à l'occasion d'un travail en Italie, mené avec la complicité de Daniel Arras, auprès des familles aristocrates de Florence, Rome et Naples, dont il s'agissait, pour lui, de faire les portraits. La découverte inopinée de quatre autres esclaves de Michel-Ange à l'Accademia de Florence l'avait littéralement transi. Il avait alors eu le désir de les approcher en photographie, mais y avait finalement renoncé, tant la tâche lui avait semblé écrasante. Ce travail au Louvre, aujourd'hui, qui donnera lieu à une exposition à l'automne 2004, lui a offert l'occasion d'y revenir. Dans l'immédiat, le photographe nous raconte, en échangeant avec le conservateur de sculpture Renaissance Marc Borman, pourquoi ces esclaves l'ont à ce point touché et ce qu'il lui inspire. Galerie Michel-Ange. Regard croisé entre l'artiste et le spécialiste dans un Louvre revisité par les aspirateurs et les cireuses en ce mardi, jour de fermeture et de grand ménage du musée. Je me souviendrai toujours de ce moment-là. Au fond de l'entrée, il y avait une immense galerie, comme ça, très droite, une espèce de grand, immense sorte de couloir, grand rectangle. Et au bout, il y avait le David, que je ne m'attendais pas à voir, parce que dans le fond, je ne savais pas ce qu'il y avait dans ce musée. Et de part et d'autre, il y avait les esclaves de Michel-Ange. Il y en avait quatre. Qui s'appelle les Prigioni en italien. Et ça a été pour moi quelque chose d'absolument extraordinaire. Je n'ai jamais rencontré une telle émotion devant des œuvres d'art. Et quand je me suis retrouvé devant les esclaves, j'ai pleuré d'émotion. Ça m'a vraiment bouleversé. Je ne pensais pas qu'on pouvait rencontrer une telle émotion devant une œuvre d'art, quoi. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'un jour, il fallait que je me confronte à ces personnages, enfin à ces sculptures, quoi. Voilà. Et là, donc ensuite, je suis revenu à Paris et j'ai appris qu'il y avait deux autres esclaves qui étaient au musée du Louvre. Au bonheur. Pas du tout placés comme ils se sont maintenant. Ils étaient plutôt, il y en a un qui était contre un mur et l'autre un peu plus au milieu de la pièce. Et curieusement, j'ai été un petit peu déçu quand j'ai vu cela parce qu'ils m'ont moins ému. Et je pense qu'ils m'ont moins ému parce qu'ils sont, moins inachevés. Marc Borman. Alors, c'est vrai qu'elles font partie d'un des grands projets menés par Michel-Ange durant quasiment 40 ans, donc entre les années 1505 et 1545, un grand projet qu'il mène à la demande du pape Jules II, donc, qui souhaite avoir dans Saint-Pierre à Rome son tombeau. Mais il est vrai que pour Michel-Ange, ses œuvres arrivent à un moment particulier d'accomplissement, dans la mesure où je rappelais que le premier projet pour la tombe de Jules II datait de 1505 et ces deux œuvres, elles, sont exécutées entre 1513 et 1516. Mais entre ces deux moments, pour Michel-Ange, il se passe une chose tout à fait importante qui est la réalisation du plafond de la chapelle Sixtine, donc à Rome. Et l'un des, sans doute, l'une des grandes peintures dans lesquelles on a justement tous ces exemples de représentation du corps et avec un nombre de gestuels, de gestes, d'attitudes qui ensuite vont véritablement infuser tout l'art occidental pendant des siècles. Et il faut bien voir que ces deux esclaves, bon, avec leurs gestes à la fois dynamiques mais en même temps complètement oppressés, sont la résultante sculpturale de toute l'expérience que Michel-Ange a pu développer et acquérir en même temps dans tous ces personnages de la Chapelle Sixtine. Quand j'ai vu que ce s'appelait des prisonniers ou l'esclave, j'ai identifié le caractère de la solitude à laquelle on peut s'identifier quoi, dans certains sens. Quoi. Enfin, l'esclave, c'est quelqu'un de seul, un prisonnier aussi. Donc je trouvais à la fois que c'était toujours d'actualité. Quoi. Et alors pourquoi ces 6 esclaves? Qu'est-ce qui symbolisait alors, ces malheureux captifs? La signification classique qui est donnée, c'est que effectivement ces personnages représentaient l'être corporel qui était complètement pris dans sa gangue humaine, et donc c'est l'esprit en quelque sorte prisonnier, rendu complètement prisonnier par la chair. Bon, voilà, c'est la signification que l'on donne habituellement à ces œuvres. Il y a eu aussi d'autres interprétations qui ont pu être données à l'époque, par exemple le fait que ces esclaves auraient pu représenter les différents pays qui avaient été soumis au fur et à mesure de la carrière politique du pape Jules II. Mais ça, c'est une interprétation qu'on a peu ou prou abandonnée aujourd'hui. On en est plutôt resté effectivement à cette idée de ces figures représentant l'opposition entre la chair et l'esprit. C'est comme ça que vous les avez ressentis, Patrick Feigenbaum, lorsque vous les avez vus pour la première fois? Je peux dire oui. J'avais jamais vu des êtres humains qui essayent de se libérer comme ça de la pierre, enfin de sortir comme ça de la matière dans laquelle ils étaient. Mais c'est vrai que ça correspond aussi à un moment historique de la création artistique. On est donc au début de ce qu'on appelle la grande Renaissance classique. Hein. Il y a déjà eu tout un siècle où l'art de l'Antiquité a été l'un des moteurs, effectivement, de cette nouvelle création artistique qu'on a appelée la Renaissance. Le XVIe siècle, c'est ce second moment où, effectivement, on assiste à une sorte d'équilibre qui se crée et de nouvelles dynamiques, dont Michel-Ange est l'un des plus grands représentants. Et ces œuvres-là sont un peu à un moment charnière. On est à la fois, effectivement, dans un grand monument chrétien, hein, c'est le tombeau d'un pape, et donc on voit bien cette relation qu'il y a entre le corps, la chair, et l'âme, effectivement, qui est emprisonnée. Hein. C'est ce qui est montré, effectivement, bien pour la première fois dans ces esclaves, sachant que l'autre image qui était prévue au-dessus, qu'on possède encore aujourd'hui, qui est le Moïse, représente au contraire la figure de l'esprit qui a dominé le corps. Quand j'ai commencé à faire des images, j'avais la sensation de faire un peu des reproductions de dessins. Ce qui m'a vraiment frappé, c'est étonné. Je n'imaginais pas comme ça à quel point, en faisant des images, enfin en regardant à travers la caméra, si vous voulez, c'est comme s'il y avait une sorte d'abstraction du volume et que je ne voyais plus que le contour, vraiment comme un dessin. Dans un dessin, il peut y avoir du volume, évidemment, mais pour moi, c'était le dessin. Et le dessin de ces corps, ce qui m'a donc référé à regarder de plus près les questions d'anatomie, je sens cela dans les deux œuvres, là, c'est qu'ils sont à la fois entre la vie et la mort. Voilà. Il y a à la fois une tension, comme ça, une grande énergie, et il y a quelque chose de très expansif, comme ça, quelque chose de bruyant. Et quelque chose d'extrêmement silencieux d'intérieur, quoi. Au même moment. Quoi. Je vous dis, moi, ce qui m'a vraiment étonné, c'est cette question de dessin. Quoi. J'avais vraiment le sentiment de rentrer dans le dessin en faisant ces images. Là, et dans le fond, malgré leur leur puissance, leur présence, je les trouve, en les regardant de plus en plus, je les trouvais de plus en plus aériens, quoi. De plus en plus légers, enfin. Ça tient à quoi d'après vous ? Parce que j'ai la sensation qu'il y a un envol quelque part, quoi, en même temps. Il y a une telle grâce, enfin, qu'ils ne me... ils sont pas pesants, ils sont présents, mais ils sont pas lourds. Oui, Marc Bourman. Mais c'est vrai que traditionnellement, il y a un terme qu'on applique souvent aux esclaves, c'est le terme de dynamique, hein, pour ces deux figures. C'est-à-dire que, je parlais du début du XVIe siècle, ce sont aussi deux œuvres qui sont liées à l'une des grandes découvertes de la sculpture à Rome à ce moment-là, qui est la redécouverte du Laocoon, ce grand groupe de la sculpture antique, où on a donc des personnages qui prennent une force et une dynamique extrêmement forte. Bon, et Michel-Ange va être l'un des premiers à essayer de réinterpréter cette dynamique dans ses œuvres. Et l'une des premières œuvres dans lesquelles il va faire cette réinterprétation, ce sont effectivement ces deux esclaves où on passe quelque part dans le travail de Michel-Ange d'une sorte de dans ses œuvres de jeunesse, il utilise beaucoup une sorte de rythme lié à la sinuosité de la ligne qui entoure l'œuvre. Là, dans ses œuvres des années 1510, et en particulier dans ses esclaves, Michel-Ange va essayer de donner à sa sculpture une dynamique liée à l'intériorité même sans doute de l'œuvre, rendre la dynamique interne du corps dans le volume. Et je crois que c'est un des moments effectivement tout à fait important de l'histoire de la sculpture occidentale qui apparaît dans ces deux esclaves. Vous voulez dire concrètement que les torsions du corps, ces corps qui se tordent, qui se déhanchent, qui sont en forme d'hélice, reflèteraient les torsions de l'âme ou de l'intériorité? Oui, même si entre les deux figures, on a une certaine différence. Ce n'est pas pour rien que l'une des œuvres est appelée l'esclave mourant et l'autre l'esclave rebelle. Effectivement, on a l'une des figures qui apparaît beaucoup plus apaisée, hein, et on ne sait pas bien si la personne est en train de rêver, de dormir, de mourir. Il y a effectivement une sorte d'apaisement qui apparaît dans l'œuvre. Au contraire, dans l'autre sculpture, la torsion est beaucoup plus forte. On sent bien cette volonté de cette personne qui est liée, hein, et qui cherche effectivement à s'échapper de ses liens. Déjà en 1987, à l'occasion de son séjour à la Villa Médicis, Patrick Feigenbaum avait photographié des sculptures, des bustes d'empereurs romains exactement, appartenant aux collections du Vatican ou du musée du Capitole. Trajan, Constantin, Sévère, cadrés serrés, avaient donné lieu à l'exposition Vie parallèle, organisée alors que par ailleurs, Patrick Feigenbaum poursuivait son travail auprès de modèles vivants cette fois de l'aristocratie romaine. Patrick Feigenbaum, comment est-ce qu'on photographie la sculpture alors ? Parce que vous avez déjà cette expérience avec Vie parallèle en 86 ou 87 plus exactement. Oui. Enfin, je devais faire une exposition à la fin de mon séjour à Rome, à la Villa Médicis, et ça a été pour moi, une expérience extraordinaire. Je faisais à l'époque des portraits des familles romaines dans leur intérieur. Et ce qui m'intéressait beaucoup à l'époque, c'était donc la relation entre la figure dans l'espace et la relation qu'il pouvait avoir avec son cadre de vie. Photographiant les bustes, je m'approchais uniquement des visages. Donc c'était dans un certain sens pour moi quelque chose que je ne pouvais pas faire avec les êtres humains réels. Et que je faisais avec les bustes. Parce que ce qui m'intéressait, c'est la relation donc, Avec l'environnement. Et il y a une question de distance. Donc, plus on s'approche du modèle, et moins il y a de cadre autour. Et d'ailleurs, tout ce travail en Italie était fait sur un équilibre entre le personnage et son environnement. À savoir qu'il s'agit de voir les questions de physionomie, il y a des visages ou des corps qui prennent la lumière d'une façon très différente les unes des autres. Et la question était de garder un rapport d'intimité avec les personnages en essayant de montrer plus de choses autour d'elles. Donc pour avoir le plus de choses autour d'elles, normalement le personnage doit être le plus loin possible du spectateur, enfin de l'objectif. Mais avec certains personnages, on les perd. Donc avec d'autres, il y a d'autres qui peuvent aller dans, plus loin, qui résistent parce qu'ils ont une physionomie X qui permet ça. Donc en règle générale, on les voyait en pied ou assis, voilà. Alors ce travail sur les bustes était fait sur, en général sur fond neutre, enfin, ou un fond sur lequel ils étaient au musée du Capitole, au musée du Vatican. Et ce qui me permettait, c'était une sorte de complément pour moi. C'était ce que je n'avais pas pu faire avec les familles, je le faisais avec les bustes, dans un certain sens. Mais au moment de photographier ces visages, la seule possibilité pour moi de faire ces images, c'était de croiser leur regard. Je voulais croiser leur regard. Croiser leur regard, c'est-à-dire rencontrer, les rencontrer. Et quand j'approchais, comment dire, j'avais la sensation d'avoir un modèle vivant devant moi. Et d'ailleurs, je leur disais de ne pas bouger, je leur disais de ne plus bouger. Et il y avait un moment, j'attendais le moment, comme photographier quelqu'un de réel, pour prendre l'image. C'était une rencontre entre eux et moi, quoi, voilà. Donc la rencontre avec la sculpture, en règle générale, c'est ça. J'ai eu la même expérience plus tard quand j'ai photographié des œuvres de Rodin, l'hiver et l'homme qui marche. Je me suis retrouvé confronté un peu à la même problématique, à la même question. Et là, avec les esclaves de Michel-Ange, c'est aussi ces questions-là qui émergent, quoi. Sauf que, autant en photographiant les œuvres de Rodin, j'avais la sensation de rencontrer des personnages qui peuvent vivre, disons, actuellement. Alors qu'avec les esclaves, c'est pas tout à fait la même chose, quoi. Il y a quand même un décalage dans le temps, quoi. Voilà. C'est plutôt des métaphores, quoi. Mmh. Plus que des êtres de chair qu'on pourrait croiser dans la rue aujourd'hui. Oui, d'autant plus que leurs visages sont des visages très anonymes, quoi. Enfin, ils représentent des personnages sans les représenter vraiment. On ne sait pas vraiment qui sont ces personnages, quoi. Ça rejoint aussi sans doute l'un des objectifs du travail de Michel-Ange, donc de créer une sorte de beauté idéale en créant vraiment des types de figures qui soient des types universels. Bon, et c'est bien comme ça que son œuvre sera comprise dès son vivant, hein, avec ce courant artistique qu'on appelle le maniérisme. Mais le maniérisme, ce n'est que pour les artistes de la génération qui vont suivre Michel-Ange, l'usage de la bonne manière, de la buona maniera, celle créée par les grands génies, dont fait partie bien évidemment Michel-Ange. Et ensuite, cette image, je crois, on va la conserver au fur et à mesure des siècles, et elle va au contraire devenir de plus en plus importante, et ces figures vont devenir vraiment des personnages à la fois mythiques et idéaux. Je pense qu'à travers les sculptures de Michel-Ange, je peux me demander comment peut-on représenter un corps aujourd'hui, quoi. Oui, sur la question comment peut-on photographier un corps aujourd'hui. Mais par rapport justement aux esclaves, c'était une question que j'avais déjà posée, hein. On parlait de la mise dans le contexte et de la place effectivement des œuvres dans le contexte du musée aujourd'hui. Tu disais bien tout à l'heure que tu allais présenter les œuvres en cherchant à les mettre sur des fonds, à les isoler quelque part. Pourquoi ne pas chercher également justement à représenter les esclaves dans leur contexte, entourés de personnes, entourés de spectateurs? Non, je vais le faire aussi. Je trouvais que c'était très intéressant de faire ça, d'autant plus que, comme je disais tout à l'heure, ces œuvres, pour moi, représentent une solitude. Comme ça. Ils sont isolés, ils sont abandonnés, ils sont seuls. Je voudrais voir ce qui se passe quand il y a des gens qui sont autour d'eux. Enfin, qu'est-ce qui se passe ? Bon, il y a d'autres gens là qui sont en compagnie des deux esclaves. Voilà. Est-ce qu'ils sont toujours aussi seuls ? Est-ce qu'ils sont moins seuls ? Je ne sais pas. À mon avis, ils sont toujours aussi seuls, mais enfin, c'est intéressant. La Joconde, Mona Lisa, art graphique, dessin italien. Christian Milovanov. Ayant été invité par la Stadtgalerie à Stuttgart, j'ai découvert Panini. Et il y a deux versions au Louvre, peut-être moins bonnes que celles de Stuttgart. Tableau mieux conservé peut-être à Stuttgart. C'est une accumulation de représentations ruinées de la Rome antique, donc. Et prenez-le comme vous voulez, mais Panini a fait ce que moi j'avais fait au Louvre revisité, c'est-à-dire une accumulation de fragments de tableaux, de juxtapositions, de cadres, entre deux cadres, entre deux murs. Et lui, c'est ce qu'il a fait en peinture. Quand j'ai vu ça, ça m'a terrifié. C'est-à-dire que je me suis arrêté vraiment d'abord de photographier en noir et blanc pour justement découvrir la couleur et la couleur, alors à ce moment-là, à titre de pur exercice de reproduction la plus fidèle. Et j'ai abandonné le mur et j'ai abandonné le cadre, c'est-à-dire je suis entré dans le tableau. Donc avant, oui, mais tout ça, ça se fait, ça met 15 ans à se mettre en place, c'est-à-dire qu'avant il y a le mur, le cadre et le fragment de peinture. Avec Hubert Robert, il y a eu le cadre et le fragment de peinture, le rebord sur lequel je pouvais m'appuyer pour contempler ce qu'il y avait par-delà le rebord, comme le rebord d'une fenêtre. Avec Panini, je suis entré dans le tableau, c'est-à-dire j'ai supprimé le cadre. Il y a eu un déclic. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse se dire. C'est-à-dire je suis entré dans le tableau et là j'ai prélevé vraiment des fragments. Bien sûr, en recomposant, avec toujours mon obsession de la géométrie, mais c'était des fragments que je... Et la couleur s'est imposée. Et c'est ce principe-là que j'ai transposé dans le supermarché. C'est-à-dire que j'ai fait je suis entré dans l'étalage. Il n'y avait plus de support, il y avait simplement les marchandises, les boîtes de conserve, les petits pois, les tomates, etc., etc. Exactement comme il y avait chez Panini des cadres, des morceaux de peinture, etc. Qu'on pourrait aller voir parce que le tableau est passionnant. Oui, on va essayer de le trouver. Bien. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Panini ? Il faut voir le tableau pour comprendre. C'est deux tableaux qui s'appellent la Rome moderne. Et moi, j'ai particulièrement travaillé sur la Rome antica, la Rome antique, qui est tout simplement la collection des ruines romaines et des tableaux les plus illustres de l'Antiquité romaine. Et c'est une espèce de conglomérat d'œuvres connues, illustres, fameuses. Donc des sculptures, dont des peintures encadrées. On a dû le mettre avec les vedute, voilà, certainement. Et ça, c'est un panini. Voilà les deux panini. Ça, c'est un autre panini. Qui vous intéresse moins ? Moi, le problème, c'est qu'il y a certains tableaux que je ne connaissais absolument pas. Et donc, la nouvelle configuration du Louvre fait qu'il y a beaucoup de tableaux qui étaient dans la réserve, qui sont montrés, donc que je n'ai jamais regardé. Celui-là, je ne l'avais jamais regardé. Il est assez étonnant en oui, même temps. Vous voulez qu'on s'approche ? Non, je préfère qu'on tourne le dos à ce tableau-là. Alors justement, voilà. Voilà. Voilà le tableau. Dont le... Galerie des villes de la Rome antique. Oui, mais alors le titre du tableau de Stuttgart, je l'ai noté parce que il est beaucoup plus compliqué que ça. C'est la Rome antique, galerie de peinture représentant des vues des monuments antiques de Rome et des œuvres d'art illustrées de l'Antiquité. Ah oui, effectivement. C'est le titre. Et il a même et ensuite il a fait la même chose avec des vues de la Rome moderne. C'est-à-dire celle du 15e, 16e et 17e siècle. Et les deux tableaux ont été réunis sous le thème, alors je ne sais pas si c'est de Panini, mais je crois que oui, ça s'appelle la Galerie Imaginée. Mm-hmm. Donc il a imaginé... Alors bien sûr, on a affaire là à nouveau à une imagination d'une grande galerie, exactement comme Hubert Robert va le faire plus tard. Parce que là, on est mi-18e siècle. Mmh. Et vous voyez que dans ce tableau, c'est ce qui m'a profondément marqué, choqué en même temps. Et donc, j'ai abandonné après, puisque les tableaux sont toujours entre deux autres tableaux, deux murs. Il y a toujours des interstices comme ça qui se placent. Et si on prend, par exemple, ça... C'était moi ce que je faisais dans... Vous vous êtes approché trop près, bon, c'est pas grave. J'ai touché ça. Et il faut jamais s'approcher trop de la peinture. Alors, qu'est-ce que c'est là, ton tableau ? Parce que... Le tableau de Panini est une composition d'une multitude, d'une foule d'autres tableaux encadrés avec des stèles, avec des sculptures, avec du mur. Et les cadrages, en quelque sorte, de Panini sont mes cadrages. Bien évidemment, c'est l'inverse. C'est que mes cadrages sont les cadrages de Panini dans ce tableau. Et donc, je ne pouvais pas, dans ce tableau, montrer un morceau du cadre réel du tableau avec ses cadres peints, parce que ça aurait été une espèce de redondance. Donc, la seule chose que j'ai pu faire, donc là, on est en 1988 à Stuttgart, je suis entré dans le tableau et j'ai prélevé à ce moment-là des fragments, et avec toujours des lignes de composition très strictes. Donc, on reconnaît le Colisée. Alors, par exemple, montrez-nous, Christian Milovanov, montrez-nous un peu ce que vous avez puisé, ce que vous avez pioché. Ce que j'ai brouté, oui. Mais par exemple, entre la sculpture et ces trois colonnes, le bord du cadre. Donc je prenais dans mon cadrage un bord du cadre et je m'appuyais, sauf que c'était un cadre peint. Donc c'était le cadre dans le cadre. Je prenais la vue du Panthéon avec un morceau du mur et un cadre devant, ce morceau, ce carré-là. Je prenais un personnage en train de peindre un tableau encadré, etc., etc. C'est ça que j'ai brouté. Et là, je me suis élevé. Je veux dire que je ne l'ai pas fait au ras de... C'est toujours frontal. Mais j'ai utilisé un escabeau et une échelle pour arriver en haut, puisque de toute façon, que ce soit le haut et le bas, c'est exactement la même chose. Donc je montais, et c'était vraiment presque des... Quelqu'un avait dit que c'était des instantanés sur un tableau. À la rigueur même, parfois je ne cadrais même pas, parce que je savais que le cadre était bon. Il suffisait de monter ou de déplacer l'appareil. Je savais que nécessairement, il allait avoir un cadre peint de Berber, de Panini. C'est un tableau assez absolument étonnant. Et alors aujourd'hui, ou plus exactement plus récemment, vous avez travaillé en Pennsylvanie, au musée de Pittsburgh, le Frick Museum, et vous avez réalisé une exposition intitulée Conversation Pieces. Et d'abord, il s'agissait d'une commande sur plusieurs séjours aux États-Unis, à Pittsburgh, et j'avais une carte blanche, j'avais cette chance-là, carte blanche, de travailler sur le musée, sur la ville, sur ce que je voulais. Et bien sûr, j'ai fait musée et ville, c'est-à-dire que j'ai renoué, bien sûr, avec le travail sur la peinture, à partir des collections de la Frick, et je suis allé en ville faire des images d'architecture, de gens, de voitures, de paysages, d'arbres, etc., etc. Et pourquoi Conversation Pieces? Parce que j'ai découvert que à Pittsburgh, il y avait beaucoup de tableaux d'un certain Davis, qui est un des maîtres d'un genre pictural que je ne connaissais pas, qui est un genre qui s'appelait Conversation Pieces. Du 18e siècle en Angleterre. Décidément, votre siècle favori. Un siècle favori, mais pas pour tout. Pour Davis, oui. Pour Hubert Robert, oui. C'était un genre dans lequel où le protocole était simple. Des gens de l'aristocratie posaient devant un paysage et conversaient, parlaient. Et sans tenir compte de ce qui se passait derrière. C'est un paysage très calme, etc. Donc il y avait ces deux éléments rassemblés dans le tableau. Et moi, j'ai conçu l'exposition comme justement la séparation de ces deux moments, c'est-à-dire le paysage, les arbres, un décor et des gens pris dans la rue. Donc une espèce de conversation débridée et décadrée, du coup, ou bien rassemblée. Des gens posant devant un décor naturel, ou encore tout ce travail dans la ville en relation avec le travail que je faisais dans le musée. Bon. Parce que conversation, là aussi, conversation, ça signifie rencontre. C'est une rencontre, c'est donner un rendez-vous. Avoir une conversation avec quelqu'un, c'est aller à la rencontre de cette autre personne. Et réciproquement, il faut espérer. Là aussi, il y a des hasards heureux. C'est qu'en 88 ou 89, j'ai exposé à Nîmes, au Carré d'Art, et enfin, le Carré d'Art n'existait pas encore, la préfiguration du Carré d'Art, une exposition, le titre était « Conversation avec Hubert Robert, peinture et photographie ». Conversation, c'est une rencontre. Et puis tout d'un coup, je me suis aperçu, donc, 10 ans plus tard, ou presque 20 ans plus tard, ou non, 10 ans plus tard, que la conversation, c'était un genre pictural intéressant, d'espèce de rencontre, etc. Et vous avez du coup fait converser les photos que vous avez prises à Pittsburgh et des morceaux, des détails piochés dans les toiles de Davis qui étaient également exposées au musée. Mais donc la conversation se faisait lors de l'exposition. Puisque j'avais 4 salles, et donc il y avait une promenade dans laquelle j'invitais le spectateur justement à refaire en quelque sorte le non pas le parcours que j'avais fait, parce qu'on ne peut pas refaire un parcours, imposer à quelqu'un de refaire un parcours, mais à lui donner la possibilité justement de faire converser les tableaux que j'avais photographiés, les vues que j'avais prises de Pittsburgh, et également les tableaux qui étaient toujours conservé dans le musée, puisque j'avais pu avoir l'autorisation d'ouvrir les portes. Et donc il y avait un passage comme ça du musée à mon travail qui représentait également des images qui étaient contenues dans le musée. C'est une espèce de petit jeu comme ça. Mais alors ce petit jeu justement qui vous poursuit depuis vos débuts dans la photographie, vous l'expliquez comment ? Pourquoi est-ce que vous puisez tant d'inspiration dans la peinture au point de l'intégrer, d'en faire l'objet même de vos photos ou l'objet d'un dialogue constant comme ça ? Dans le texte biographique Le Jardin que vous avez écrit il y a quelques années lors d'une exposition au Musée d'art moderne de Saint-Étienne, vous expliquez que lorsque vous étiez enfant, vous aviez eu des tentatives du côté de la peinture. Vous avez été attiré par ça, vous avez eu envie de... Oui. D'approcher de plus près la matière, les pigments, la toile. Oui, mais ça a duré très peu de temps. Et après, j'ai arrêté parce que je ne suis pas peintre, c'est tout. Alors, vous me demandez pourquoi cette fascination pour la peinture, ben, je ne peux pas vous répondre. Parce que je crois que si je vous répondais, j'arrêterais ce travail. Tout simplement, je l'arrêterais. Je ferais autre chose. Peut-être la peinture. Mais non, je peux pas vous dire. J'aime ces lieux fermés et qui sont propices aussi à l'imagination, c'est-à-dire à la fuite. Mais toujours contenus dans un cadre, contenus dans un espace, l'espace du musée, qui est une gigantesque boîte dans laquelle on est. Parce que quand j'avais travaillé également sur les bureaux, c'était également des lieux fermés, des lieux confinés, dans lesquels on peut justement se promener. C'est une rêverie, et la rêverie, j'arrive pas à rêver dans dehors. Je ne peux que rêver entre quatre murs. D'où cet amour de la peinture, d'où cet amour des musées qui conserve ou qui collectionne les tableaux. Et pour terminer sur le Louvre, qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui, d'après vous? Est-ce que ça reste un lieu d'inspiration pour les artistes contemporains, un musée aussi institutionnel aussi que celui-ci? Je ne parlerai pas pour les artistes contemporains, c'est leur problème, ils font ce qu'ils veulent, mais ça reste toujours un lieu. Pour moi, c'est un lieu encore d'inspiration. Alors, le mot est prétentieux, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais c'est un lieu, effectivement, de travail, parce que c'est un lieu où on collectionne de l'art, que jusqu'à présent, l'art m'intéresse, et je crois m'intéressera tout le temps, et qu'un artiste par rapport contemporain, ou un artiste actuel, mais tous les artistes sont actuels, devrait prendre... Mais moi, j'ai pris comme morale, pourquoi pas, attendons le mot, comme morale, cette phrase de Delacroix, les artistes sont ceux qui considèrent que ce qui a été fait ne l'a pas été suffisamment. Je trouve que là, c'est une belle formule qui, moi, m'anime, c'est-à-dire qu'effectivement, Hubert a fait des choses, mais on peut aller encore plus loin qu'Hubert. C'est pas prétentieux, ce que je dis, pas du tout, mais partir de là, c'est un socle, c'est un bâti. Donc il y a la peinture pour moi, qui est un socle, un bâti pour faire autre chose, quelque chose en photographie par exemple. Mais il peut y avoir aussi ces événements d'enfance qui a été un bâti, mais ça explique rien du tout. C'est sur un bâti sur lequel on peut on élève quelque chose, on peut construire quelque chose, on peut imaginer quelque chose. C'est ce qui m'intéresse moi en art. Et ce n'est que ça. rez-de-chaussée, antiquité orientale, culture française. Bifurquons à présent dans les salles d'art de Mésopotamie avec Sophie Ristel-Hubert. Une photographe dont le travail, depuis les années 80, consiste à enregistrer les détails du monde dans des lieux que ne fréquentent généralement que les reporters de guerre. Liban, Bosnie, Irak, Koweït. Mais ces photos ne traquent pas le drame, le sang ou la détresse humaine. La catastrophe ou la destruction, c'est à travers les ruines ou les cicatrices imposées au paysage que Sophie Ristel-Hubert les montre. Au Louvre, où elle s'est rendue avec nous, ce n'est ni une statue, ni une poterie, ni une stèle qui l'a arrêtée, mais un cartel et son petit texte. Pourquoi est-ce que vous nous avez choisi de nous emmener ici, Sophie Ristel-Hubert, dans ces salles d'art mésopotamien du musée du Louvre? Déjà, quand on sait qu'on doit emmener une équipe de radio dans le Louvre, c'est déjà bon, c'est un endroit tellement lourd culturellement qu'on est un peu impressionné. Et donc, par exemple, la Victoire de Samothrace, c'est quelque chose qui m'a énormément frappé comme enfant et qui, je pense, un des grands souvenirs du Louvre. Mais bon, j'avais aucune envie de rester dans une autobiographie et puis d'une enfance très lointaine. Et par contre, j'ai eu envie, en fait, de revisiter avec vous, à l'occasion de cette émission, les salles de Mésopotamie, puisque dernièrement, en 2000, j'ai été en Irak et auparavant en Syrie. Et donc, justement, pour me trouver sur le territoire de la Mésopotamie ancienne et contemporaine, si je puis dire. J'ai fait des pieds et des mains pour obtenir un visa irakien, ce qui m'a pris pas moins de 2 ans. Donc, finalement, j'ai quand même obtenu un visa d'artiste, avec prétexte, si je puis dire, cette histoire de Mésopotamie. Et en même temps, une fois que je suis arrivée en Irak, ça m'a permis aussi de me rendre dans des endroits au sud de l'Irak où aucun journaliste n'était admis. Par exemple ? Je voulais me trouver exactement à la fin du Chatt al-Arab, devant le golfe Persique. Et ça se trouve en dessous de Bassora, encore plus au sud que Fao. On est complètement dans les marais et... En fait, on m'a emmené dans un endroit dont je pense que j'étais à 4-5 km exactement là où je voulais me trouver. Mmh. Et puis, à un moment donné, quand on a été au sud de Fao, on était dans une région complètement désertique. Et de chaque côté de la piste, il y avait des palmeraies calcinées. Et j'ai eu un choc incroyable quand j'ai vu ça en me disant « Mais on dirait une armée de soldats qui, en déroute, morts, entassés les uns sur les autres. » Voilà, et donc en fait, le seul travail de ce périple en Irak, c'est ce triptyque de palmiers calcinés que je pense est assez. Enfin, pour moi, était assez emblématique de ce que je ressentais dans cette région. Et pourquoi vous vouliez aller là, précisément ? Bon, c'était un espèce de. C'était totalement symbolique, c'est-à-dire que. Et étant depuis la Syrie, ayant suivi l'Euphrate tout du long et suivi aussi quand le Tigre et l'Euphrate se rejoignent, le Chatt al-Arab, je voulais me dire que j'étais là au bout du bout, j'étais au golfe Persique. C'est des espèces de notions complètement abstraites que j'ai dans la tête et que je veux réaliser concrètement en me disant j'ai mes deux pieds plantés là devant le golfe. Enfin, c'est à la fois de ma part une chimère. En 1992, lors d'un entretien avec Michel Guérin paru dans Le Monde du 28 septembre, Sophie Ristel-Hubert déclarait « L'atelier ne me suffit pas. Il est essentiel pour moi d'affronter physiquement la réalité. » Elle y disait aussi « Il ne faut pas abandonner le terrain du réel et de l'émotion collective aux seuls reporters, rédacteurs ou photographes. » Elle ajoutera encore à l'occasion d'un autre entretien avec le même journaliste, cette fois en 1993, mon intention n'est pas de témoigner ou de rapporter des photos d'actualité supplémentaires, mais de nourrir mon propre travail et de voir, tout simplement. Justement, quand je me retrouve dans ces salles de Mésopotamie du Louvre et que je lis des cartels correspondant à l'écriture cunéiforme, etc., bon, il y a les mots qui me font vraiment... qui font tilt. C'est, par exemple, tout à l'heure, on est passé devant un cartel qui disait « Talus frontière ». Et donc, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, même, je pense, justement, cette idée que... Il y a 4 millénaires, la notion de frontière pouvait être simplement la marque, une petite marque d'un talus, parce qu'un talus, c'est pas très haut au sol, et que c'est déjà, ça délimitait deux empires. Ben justement, de toutes ces années où je me suis occupée des traces, des marques, des ruptures, des sutures sur les corps, etc., donc de la relation à l'autre, et une relation souvent marquée par une forme de violence, quelle qu'elle soit, je me suis posé cette question totalement naïve, mais qui est l'autre? Qu'est-ce que ça veut dire d'être d'un côté et de l'autre, donc d'une frontière? Et à ce moment-là, c'était en 1997, je me suis mis en tête de me trouver devant des grandes frontières symboliques, difficiles à franchir, telles que, justement, alors c'était totalement prémonitoire, parce qu'à l'époque, l'Asie centrale n'intéressait personne, mais moi, je me trouvais, j'étais au Tadjikistan, je faisais face à l'Afghanistan, j'étais en Azerbaïdjan, je faisais face à l'Iran. Et ensuite, j'ai été en Syrie, je faisais face à l'Irak avant d'avoir mon fameux visa. Et c'était aussi, c'est une œuvre complètement minimale, c'est-à-dire que là, j'enregistre une photo toute simple, qui est en général une photo assez de paysage assez grandiose. Et j'ai fait une bande sonore où il ne se passe pas grand-chose, un oiseau, une petite rivière qui fait du bruit. Devant l'Iran, c'était plus dramatique parce qu'il y avait une espèce d'avion bimoteur qui nous passait au-dessus de la tête, donc on l'entend dans la bande sonore. Et puis, c'est des choses que j'ai fait souvent très vite puisque c'est des endroits qui sont gardés et bon, pas trop traînés, quoi. Lors d'un entretien réalisé en 2000 avec la conservatrice Cheryl Broodvan, Sophie Ristaluber dira, à propos de ce voyage en Irak, « Je devais y aller, mais une fois là-bas, je ne savais plus quoi faire. » Bien sûr, j'aurais pu prendre des photos des conditions de vie désastreuses, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. J'ai trouvé un pays dévasté et j'ai ressenti la même chose que lorsque j'avais été à la fois attirée et écœurée par les objets abandonnés dans le désert du Koweït et par les maisons détruites en Bosnie. Ce qui m'a vraiment frappée, c'est le sable jaune et ces milliers de palmiers noircis, calcinés, couchés comme une armée en déroute. Et c'est ce détail, cet immense détail, que je garderai. D'abord, forcément, quand on a soi-même voyagé dans ces lieux, par exemple, j'étais à Babylone, où il ne reste à peu près rien des fouilles, tout est parti dans des musées, souvent d'ailleurs des musées européens, donc ça me touche beaucoup de retrouver des statues, des choses que j'ai même pas pu voir, par exemple à Damas, quand j'y étais en Syrie, la collection du musée était partie en voyage, donc il n'y avait rien. Quand j'étais à Bagdad, il était en rénovation, donc ce n'était pas ouvert. Donc bon, j'arrivais à Paris, finalement, je vois à Mourabi, je vois... Donc ça, c'est vrai que ça me touche beaucoup. Mais là, encore une fois, je reviens au cartel, donc au texte. Donc par exemple, là, nous sommes dans la salle 3 de salle de Mésopotamie. Et bon, indépendamment des magnifiques statues qui s'y trouvent... de Goudéa, prince de Lagash, et qu'on... il n'y a plus qu'à admirer. J'arrive devant une vitrine, je vois un cartel donc, qui donne une traduction d'un texte. Il s'agit des lamentations sur la ruine de la ville d'Our. C'est un texte qui doit être d'à peu près 2000 avant Jésus-Christ. Le sang des pays, comme du bronze et du plomb, s'accumule. Ces morts fondent de même comme de la graisse au soleil. Ces hommes qu'anéantit la hache, aucun casque ne les protège. Comme une gazelle prise au piège, ils s'allongent, la bouche dans la poussière. Les mères et les pères qui ne sortent pas de leur maison sont recouverts par le feu. Les enfants couchés dans le giron de leur mère, comme des poissons, sont emportés par les eaux. Puisse ce désastre être entièrement anéanti. Comme la grande grille de la nuit, puisse la porte être refermée sur lui. Voilà, alors probablement parce que... Enfin, en fait, moi, je suis une littéraire de formation... voilà, c'est un peu paradoxal, vous m'emmenez dans une salle du Louvre et puis moi je vous lis des textes, mais c'est ce genre de choses qui me fait évoluer, mûrir, peut-être aussi retrouver une nourriture pour mes propres travaux. Et voilà, c'est souvent dans les mots. Et qu'est-ce que vous puisez dans ceci? Bah, ce texte y rejoint un peu... Non, il faut que je parle de moi. Mais allez-y. Mais bon, souvent dans les travaux que je fais, j'ai essayé de trouver l'occasion, par exemple, de faire des petits livres d'artistes, et dans lesquels bon, donc je mets en scène des images que j'ai pu faire, mais souvent ils sont accompagnés ou enveloppés, je dirais, par exemple, dans le cas de faits, de textes déjà très anciens que j'utilise un peu comme des ready-made. pensant que bon, tout ça fait partie de notre culture. Donc j'ai utilisé, bon, quand j'ai fait un travail sur les ruines de Beyrouth, les ruines modernes, hein, pas antiques, j'avais utilisé un texte du De Natura Rerum de Lucrèce, mm-hmm. sur le tremblement de terre. Le petit livre d'artiste sur Everyone, c'est de la guerre du Péloponnèse de Thucydide. Et tout ça, c'est des textes qui... Bon, qui finalement reparle toujours de la notion de conflit, de terrasser l'autre, de... Et puis, je veux dire, nous les hommes, on est toujours là, donc cette espèce de perpétuel recommencement de violence, de destruction, mais aussi de reconstruction, parce que sinon on ne serait pas là dans cette salle du Louvre, je pense que c'est quelque chose qui me fascine. Et c'est ça que vous allez chercher sur les routes, par Mons et par Vaux, c'est ce sentiment de... de chaos. Non, c'est pas tellement le chaos. Par exemple, en Mésopotamie, ce qui me fascinait, c'était que ces strates, ces couches de civilisations superposées. Alors là, vraiment physiquement, puisque comme tout ça, c'est des pays quand même de désert et de sable, bon, toutes les recherches archéologiques pour retrouver les villes, les gens sont obligés de creuser énormément. Il reste, les choses sont... Enfin, pour les archéologues, à part les objets en bronze, etc., le reste, ils sont obligés on est obligé d'imaginer à quoi ressemblaient ces villes. Et je veux dire, même à Babylone, qui a été très très mal restaurée par du temps de Saddam Hussein, c'est vrai qu'il faut beaucoup d'imagination pour penser au jardin suspendu. Enfin, mais bon, comme moi, en même temps, j'ai eu la chance d'y être toute seule. Et voilà, il y avait un endroit, il y avait une nappe de goudron complètement émiettée, qui ressemble tout. J'ai fait une photo, d'ailleurs, c'est du Ristel Hubert, c'est même pas la peine de faire l'image. Bon, ça m'a beaucoup troublée, comme ça, d'être devant cette couche de naphte qui avait 4000 ans d'histoire derrière elle. Et en Mésopotamie, de Babylone au Golfe Persique et aux strates les plus récentes, de conflits les plus récents, comme la guerre Iran-Irak, qui a littéralement massacré l'environnement. En Irak, au sud de l'Irak, il en reste des traces absolument incroyables. Et puis, la première guerre du Golfe. Et puis, j'avais au-dessus de ma tête quand même les avions anglais et américains qui... Donc, et avec des restes de... On m'a montré, enfin bon, des bombardements récents. Donc, c'est ça aussi, je pense, qui m'attire dans ce genre d'endroit. C'est comme si, bon, je suis une espèce de démiurge. J'embrasse tout d'un coup 4000 ans d'histoire. Des très anciennes ou plus récentes. Et c'est extrêmement émouvant. Ben, je ne sais pas pourquoi, moi, ça me touche beaucoup, mais ça me donne envie de travailler. Et lorsque vous photographiez les détails du monde, justement, ces fissures, ces cassures, ces traces de catastrophes ou de destruction, lorsque vous allez chercher le passé aussi, est-ce que vous n'accomplissez pas finalement aussi un travail d'archéologue ? Est-ce que le travail de photographe rejoint celui de l'archéologue ? De photographe en soi, non. La manière dont moi je m'y prends, oui, il y a peut-être un peu de... Oui. Je sais que ça a été dit de moi que j'étais un genre d'archéologue. Je pense que les vrais archéologues seront absolument ulcérés d'entendre ça. Mais... Et alors, ici, au musée du Louvre, qu'est-ce que vous aimeriez faire si on vous donnait carte blanche? Comment est-ce que vous pourriez vous approprier les lieux ou en tout cas les investir? A priori, rien, c'est trop pour moi. Je pense que c'est un poids... Enfin, c'est assez écrasant. Qu'est-ce qu'on choisit? Est-ce que c'est pour intervenir au milieu, je sais pas, de la peinture 18e? Est-ce que... Aussi, quelle serait la demande du Louvre vis-à-vis de moi? Qu'est-ce que le Louvre peut attendre de Sophie Ristel-Hubert? Au fond, c'est le prologue de l'Ecclésiaste, le livre de la Bible, qui dit le mieux l'œuvre de Ristel-Hubert. Elle y a d'ailleurs recouru à l'occasion d'un travail, Mémoire du Lot, réalisé en 1990. Un âge va, un âge vient, mais la terre tient toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche, il se hâte vers son lieu, et c'est là qu'il se lève. Le vent part au midi, tourne au nord, il tourne, tourne et va, et sur son parcours retourne le vent. Tous les fleuves coulent vers la mer et la mer n'est pas remplie. Vers l'endroit où coulent les fleuves, c'est par là qu'ils continueront de couler. Toute parole est lassante. Personne ne peut dire que l'œil n'est pas rassasié de voir et l'oreille saturée par ce qu'elle a entendu. Ce qui fut, cela sera. Ce qui s'est fait, se refera. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Qu'il y ait quelque chose dont on dise « Tiens, voilà du nouveau ». Cela fut dans les siècles qui nous ont précédés. Il n'y a pas de souvenir d'autrefois, et même pour ceux des temps futurs, il n'y aura d'eux aucun souvenir auprès de ceux qui les suivront. cette grande galerie, vous la voyez en ruine? Non, avec les tout. Yeux de Hubert Robert, non? Non, non, je la vois, non, non, je la vois comme elle était quand il y a 20 ans. Moins formatée, peut-être. Mais bon, c'est pas très grave. Moins formatée, c'est-à-dire, vous trouvez, vous regrettez? Ah ben ça, c'est le sens de la visite, ça me paraît un peu curieux. Oui. Je suis obligé, ça, c'est pour les foules du dimanche. Oui. On est obligé de passer à droite, on ne peut pas revenir sur le tableau. On va faire des allers-retours par exemple, on ne peut pas reculer, on est toujours gêné maintenant pour regarder. Christian Milovanov. Alors, c'est un tableau d'Hubert Robert intitulé ou titré « Vue imaginaire de la Grande Galerie du Louvre en ruine », fait en 1796. C'est un tableau sur lequel je n'ai pas travaillé, parce qu'à l'époque ce tableau était en restauration. Et il n'avait jamais pu revenir au Louvre, puisqu'il a été, en quelque sorte, la mascotte des restaurateurs. Ah bon ? Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient décidé que ce tableau devait rester dans le lui-même de la restauration et plus être représenté. Ah bon ? Et dans la reconfiguration du Louvre, il est revenu. Donc je l'avais vu en reproduction, du coup, mais jamais en vrai. Donc je n'ai jamais travaillé sur ce tableau. Et tout à l'heure, vous me demandiez... si je devais recommencer un travail sur le Louvre, et je vais le recommencer, je partirai certainement d'Hubert Robert et des peintres de ruines, mais je travaillerai sur ce tableau-là. Pourquoi ? Parce que c'est un tableau très curieux, parce que d'abord, ça représente le Louvre en ruine. Comme je disais tout à l'heure, il a été garde des peintures, donc il a imaginé, lui qui était pour la conservation des tableaux, il a imaginé ce que pouvait devenir la Grande Galerie lors d'une catastrophe, par exemple, tous ces tableaux abattus, et un peintre qui représente, bien sûr, toutes ces ruines. Ça, c'est une idée qui m'intéresse. Et en même temps, elle est effrayante. Elle est effrayante parce que représenter un futur en ruine que l'on conserve, que l'on veut conserver, ça a été... une idée de l'architecte nazi Albert Speers dans les années 30, où il proposait à Hitler des maquettes de ce qu'allait devenir le monument qu'il allait construire en ruine. C'est-à-dire 10 000 ans après le Reich, bien sûr, 10 000 ans après, pas tout de suite, n'exagérons pas. Et cette idée de la ruine... et du devenir ruine comme ça, de la conservation de la ruine, là il y a quelque chose, je ne sais pas trop, mais il y a quelque chose qui est effroyable. Ah, si ça me fascine, si c'est effroyable, c'est un peu dur de dire ça. Effroyable. Alors oui, il y a bien sûr de la fascination, parce que mais la question, c'est pourquoi on est fasciné par les ruines, c'est-à-dire par la destruction, c'est-à-dire par la mort, c'est-à-dire par et la mort de l'art, bien évidemment, qui est plus grave que tout le reste, certainement, même pour moi. Donc, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire de ce tableau, mais c'est un tableau sur la partie duquel j'aimerais bien travailler. Mais enfin, nous n'en sommes pas encore là. Et pour l'instant, le Louvre, en excellente santé et plus solide que jamais, souhaite au contraire faire venir la vie à lui. C'est-à-dire, pour une institution muséale de sa taille, des artistes contemporains et la jeunesse. Pour cela, la direction a décidé de valoriser sa carte jeune destinée aux moins de 26 ans en confiant la réalisation chaque nouvelle année à un artiste contemporain. C'est la photographe Florence Paradise qui, pour cette première fois, s'y est collée. La photographie qu'elle a réalisée pour la carte jeune montre un jeune homme en arrêt devant une statuette égyptienne qui le fixe en retour. Plongé dans le noir, la lumière concentrée sur le visage du jeune visiteur, la photo, très caravagesque, devrait faire l'objet d'une immense campagne publicitaire ces jours-ci. Devant son ordinateur, où son travail est numérisé, dans son appartement qui donne sur la gare du Nord, Florence Paradise nous explique le pourquoi et le comment de son choix. Pourquoi il vient pas? Il est là en fait. Pour le moins de 26 ans. C'est ça, hein. Je crois que ça va être la campagne d'affichage dans le métro les deux dernières semaines d'octobre. Sur tous les supports visuels qui vont être utilisés pour faire la publicité, en fait, hein, de la carte Louvre Jeune. C'est-à-dire toute l'année, en fait. Et a priori, d'après ce que j'ai compris, ils vont demander chaque année à un artiste, hein, d'imaginer un visuel pour la carte Louvre Jeune. Chaque année, ce sera un artiste différent. Qu'est-ce qui se passe quand on va au Louvre? On se balade, même tout à fait nonchalamment. Et puis tout d'un coup, on va être dans tout ce qu'il y a à voir, on va être attiré par une peinture, une sculpture, un objet. Et on va tomber dedans, littéralement, en fait. Et être complètement absorbé par ce qu'on regarde. Et c'est ça que je voulais exprimer. Et en fait, il y avait une chose aussi, c'est que, évidemment, après ça dépend de chaque personne, hein, mais c'est vrai que pour moi... Surtout avant, hein, quand j'étais plus jeune, c'était le Louvre, c'était aller regarder les peintures. Et donc comme ça, d'emblée, je me disais, bon, je voudrais faire une image qui dise peinture, mais qui dise aussi sculpture et qui dise aussi objet. Et du coup, je pense que c'est ce que j'ai fait dans cette image-là, en fait. Hein. Et, la peinture? Bah, la peinture, c'est l'image elle-même. Hein. C'est, ça me paraît évident. Hein. Il était hors de question que je ne signifie que la peinture dans l'image. Parce que je trouvais que c'était réducteur, on va dire. Et qu'il y a aussi une chose qui est très... bon, alors évidemment, j'imagine que devant chaque œuvre, les sentiments sont différents, hein, mais quand on se balade au département des Antiquités, par exemple, c'est beaucoup des objets. Et certains ont une familiarité avec nous aujourd'hui, qui, moi, me sidère complètement. Enfin, je trouve ça très touchant, en fait. Des objets, en fait, quotidiens, dont on sent qu'ils ont eu un usage, cet usage-là, on peut le transposer aujourd'hui. Et l'objet nous aide à, pour peu qu'on le regarde vraiment. Et ça, c'est, bon, bref, étonnant. Donc, je voulais qu'il y ait ce rapport-là aussi, en fin de compte, à l'objet. Alors, même si, effectivement, quand on va au Louvre, on ne peut pas se saisir des objets, quoi. Mais en tous les cas, le désir est là. Et c'est réactivé, enfin, bon. Pour moi. Et voilà. Et donc ce que je voulais aussi, c'est... alors évidemment, par exemple, vous remarquerez que la netteté, elle est faite sur le visage du jeune garçon. Pas sur... Donc l'important pour moi, c'était quand même qu'est-ce qui se passe en tant que spectateur quand on est ce corps mouvant qui se balade dans le Louvre, en fait. Et donc voilà. Et je voulais qu'il y ait aussi cette espèce de ce qui advient, hein, parce qu'on est arrêté par quelque chose, mais c'est comme un surgissement. Et donc là, tout se passe bord cadre, et lui est vraiment très proche comme ça, et très, on sent qu'il est dans un espèce de mouvement arrêté, réellement. Et je voulais aussi que l'image dise ça, cette espèce de surgissement où tout d'un coup, et comme si c'était un surgissement d'il y a 2000 ans, enfin, littéralement, de toute façon c'est ça, hein, c'est ça qui est quand même pas mal. Bon, il y avait aussi une nécessité de dire un non-lieu. C'est bizarre de dire ça, parce qu'effectivement, quand on se balade, on est dans le Louvre, mais en même temps, ce que l'on atteint quand on passe la porte, devant un tableau, ou devant une sculpture, ou devant un objet, c'est un non-lieu, on va dire, enfin un non-lieu. Oui, c'est un non-lieu. C'est une époque, c'est un temps, c'est... Et on bascule dans un autre temps, en fait, un temps qui peut être l'instant du surgissement très présent, mais qui néanmoins, on en est séparé, donc c'est bel et bien un non-lieu. Mm-hmm. C'est pas un non-temps, mais c'est un non-lieu. Mm-hmm. Et donc la pénombre, enfin le pénombre, c'est même carrément un noir, hein, assez profond, il disait ça aussi, quoi. Il disait ce gouffre qui nous sépare, et qui pourtant, l'espace d'un déclic, le temps de l'arrêt du regard, est totalement franchissable. Et il n'est plus un gouffre d'ailleurs. Je suis allée me balader au Louvre, une fois, deux fois. Et la deuxième fois, en sortant, je suis allée à la boutique des moulages. Et là, je tombe sur une petite figurine, celle-ci, là. Elle a des cornes, c'est une tête de vache en fait. Hein. Elle a des cornes, et à tort ça veut dire la maison du faucon. Et en fait, elle porte le disque solaire. Et ici, c'est une perruque et des cornes de vache. Et en fait, c'est à la fois, c'est un peu la déesse de la vie et de la mort, en fait. Hein. C'est elle qui donne naissance au soleil tous les jours, en fait. Voilà. Voilà. Je voulais quelque chose. Je voulais une statuette qui ait un sens, qui soit sans problème transposable aujourd'hui, en fait. Donc là, c'est un beau contraste hein, entre du bronze et la blancheur de la peau. Et voilà. Inside the museums, infinity goes up on trial. Voices echo, this is what salvation must be like after a while. But Mona Lisa must have had the highway blues, you can tell by the way she smiles. The primitive wallflower freeze when the jelly-faced women all sneeze. Hear the one with the mustache say, geez, I can't find my knees. Oh, jewels and binoculars hang from the head of the mule. But these visions of Johanna, they make it all seem so cruel. Entre soldats, sortie, exit. C'était le Louvre revisité, un magazine mensuel par Lorraine Rossignol sur une idée de Marie-Laure Banadac. Avec les photographes Christian Milovanov, Patrick Feigenbaum, Sophie Ristel-Hubert, et Florence Paradise. Extrait du film Bande à part de Jean-Luc Godard. Texte lu, issu du livre Détails du monde aux éditions Actes Sud. Coordination, Sophie Elie. Prise de son, Patrick Muller. Mixage, Jean-Michel Bernot. Réalisation, Anna Smuk. La prochaine fois, le jeudi 27 novembre, ce sont les peintres contemporains Carole Benzaken, Jean-Michel Alberola et Pierre Buralio qui nous emmèneront dans les salles du Louvre. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 23 octobre 2003. Vous pouvez la réécouter en ligne et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr à la page des nuits de France Culture.